Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Oula, excusez-moi, je suis... Vous êtes qui? Je suis Bruce. Bruce? Bah oui, je vous ai déjà dit, j'étais celui qui travaillait avec monsieur David Banner. Hein? Ouais, non, mais pas de soucis, allez. Non, allez, non, vous savez, c'était... Non, mais c'était... C'est bon, casse-toi. Mais je vous ai déjà expliqué. Casse-toi. Je me souviens, le faux super-héros à deux balles. C'est bon. Attends. Non, je suis pas un faux super-héros, je suis... Attendez. Je travaillais avec David Banner. David Banner, c'est celui qui se transforme en Hulk. Et bon, j'étais là pendant que je réparais la photocopieuse. Il y a eu des radiations qui me sont arrivées aux alentours du sexe et voilà, et des fois je me transforme en Bitulk. Bon bah. Mais ah, voilà, on n'accepte pas les moitiés de super-héros, alors on te dit dégage. Attendez. Genre, on le connaît pas le discours style attention, quand je m'énerve, je me transforme en Bitulk. D'abord, je suis super zen. Vous ne m'aurez pas. Et je venais apporter mon soutien à Poubelleman qui sort son disque aujourd'hui, donc je voulais vous dire bravo Poubelleman. Attends, Poubelleman, il a pas besoin de toi pour vivre, c'est bon, il fait sa vie. Surtout que Poubelleman, il en a une plus grosse que toi. Ah ouais, ça c'est clair. Oula, je crois que t'as dit le truc qu'il fallait pas dire. Quoi? C'est vrai, attends, Poubelleman, on a une plus grosse que toi. Fais pas style, tu t'énerves, attends, tu le sais très bien. T'es fou. Bitule qui va arriver. Attention, je crois qu'il s'est... Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Putain, ça va pas. Je vais encore être obligé de déchirer. Je vais encore me retrouver avec mon sexe vert. C'est pas vrai. Mais c'est monstrueux. Je suis Bitulk. Oh là là. Avec mon sexe d'Amédi. Ah merde. Eh bien, et qu'est-ce que t'as de plus que Miko? Il est vert. C'est toi qui dis du mal de moi. Non mais monsieur, ne vous énervez pas. T'as déjà fait une pipe, un truc d'un mètre dix? Viens là. J'aimerais pas... Excusez-moi, je viens de me réveiller, j'ai plus de slip, je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Nous non plus, on comprend pas. C'est marrant, votre collègue, il a une énorme bouche. Attendez, je vais lui refermer, que ça lui fait mal. Voilà. Bon, bah, je suis désolé, je vous laisse, hein, c'était pour... Au revoir, monsieur Jean-Michel. Quelqu'un a un slip pour moi, parce que j'ai pas de slip. Je vais prendre même un slip RFM, hein, n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe dans le combat? Non, mais qu'est-ce que c'est? Mais qui c'est, slip? Bonjour. Un nouveau super-héros. Oui, je suis... super-héros, pardon, je suis un ami de Poubelleman. Mais qui êtes-vous? Je suis venu le défendre parce que Poubelleman est incriminé parce qu'il a décidé de se lancer dans le showbiz. Ah oui, c'est vrai. Je suis mythoman. Pardon? Alors, j'étais là en train de me promener dans mes 6 Ferrari et je regardais l'heure à mes 8 Rolex et 15 Breitling et je me suis dit, il est temps que j'aille les voir. Parce que comme je connais hyper bien Jacques Chirac, ouais, je me disais, parce qu'en plus étant très grand, du haut de mes 3,15 m, je suis passé par la fenêtre en vous enjambant, ouais, je me suis dit, il était temps que je vienne aider mon super pote Poubelleman. Il n'y a pas de l'exagération dans ce que vous dites? Pardon? Il n'y a pas de l'exagération? Moi, mythoman, je n'exagère jamais. Jamais. Bon, allez, je vous laisse parce que j'ai une partouze avec Claudia Schiffer et Natacha Amal. Salut les amis! Salut les mythomanes!